Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener à New York et je vais vous faire la présentation du musée Guggenheim. Revenons dans le temps. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant que le musée se nomme Guggenheim, eh bien celui-ci se nommait The Museum of Non-Figurative Painting, c'est-à-dire le musée de la peinture non figurative. Étant donné que le musée a été mis en place par la fondation de Solomon Guggenheim, celui-ci a décidé d'utiliser ce nom pour représenter son musée et sa création. Celui qui a mis en place les idées de Guggenheim est Frank Lloyd Wright. En effet, celui-ci a été l'architecte de ce musée. Or, il n'a pas pu profiter de sa création car il est mort avant l'ouverture de ce musée qui a été le 21 octobre 1959. Par la suite, le musée a pu prendre de l'ampleur car entre 1998 et 2005, de par son directeur, il a été franchisé et c'est pour ça que nous pouvons retrouver le musée Guggenheim à Bilbao par exemple. En 2008 de plus, le musée est reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est dans ce musée que l'art moderne est principalement présent. Il propose également des œuvres de l'avant-garde ainsi que de l'art non figuratif. On y trouve de nombreuses œuvres comme celles de Pablo Picasso, Édouard Manet et Vincent Van Gogh. Il faut savoir que les œuvres sont renouvelées plusieurs fois par an afin de les faire tourner dans ces autres musées Guggenheim. C'est à travers l'architecture que nous pouvons voir que c'est un design qui est plutôt moderne et une structure vraiment atypique. En étant à l'intérieur, l'espace muséal a une structure en hélice. Le visiteur entre par le sommet puis descend progressivement jusqu'au niveau du sol, par une rampe légèrement inclinée. La notion de salle d'exposition disparaît au profit d'une continuité de présentation, avec au milieu une source de lumière venant du plafond. On peut également noter que le musée est plus large de haut vers le bas, comme une sorte de cornet. Au fur et à mesure, le musée subit des agrandissements et des modifications. La dernière date de 2008. Pour finir, il faut savoir que Guggenheim est né à Philadelphie en 1861, après avoir triomphé à la tête de l'emprise familiale spécialisée dans l'extraction minière. Ce dernier a commencé à développer sa passion pour l'art moderne à partir de 1926. Et c'est en 1930, accompagné d'Hilaire Hébé, sa conseillère artistique, que Guggenheim a acquis 150 œuvres de Kandinsky pour débuter sa grande collection. Et donc, par la suite, mettre en œuvre le musée Guggenheim de New York.